Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Jacques Doucet. Salut Jacques. Salut Danny. Jacques, il y a du monde qui s'énerve le poil des jambes avec Vladimir Guerrero. Moi, je sais pas ce que t'en penses. Pas mal que le gars, écoute, j'ai aucune idée, là, c'est une hypothèse que je soumets. Là. Le gars se met beaucoup de pression sur les épaules. Est-ce que ça peut expliquer son adaptation ou vraiment ben, écoute, son indépendance? Moi, j'en suis persuadé. Il y a toujours une adaptation, une période d'adaptation pour ouais. un gars qui passe aussi rapidement là, des échelons mineurs, que ce soit du A au 2A au 3A, puis ensuite du côté du baseball majeur. Mais dans le cas de Vladimir Junior, je sais pas si tu as vu quelques matchs comme moi, mais moi te dire une chose, il y a aucun lanceur qui fait des faveurs. Non, c'est clair. Ben écoute, c'est probablement le meilleur frappeur. Dans l'alignement actuellement, là, c'est probablement le meilleur frappeur des Blue Jays. On semble tester sa capacité à garder passer des tirs qui sont près de la zone des prises. Ouais. Puis là, lui, à un certain moment, il doit devenir un peu exaspéré de soit de voir ces tirs-là qui sont appelés des prises qui n'en sont pas. Puis là, il s'élance, puis il dit, j'aurais peut-être pas dû m'élancer, il vient de frapper un petit roulant ou une balle à double jeu. Mais là, il vient de bénéficier de 2 jours de congé. Alors, moi, je n'ai aucune crainte. Ben non. Puis si jamais on doit le retourner dans le baseball mineur, mais faut pas oublier qu'il y a un nommé Mike Trout qui, lui aussi, est allé faire un petit tour dans le baseball mineur ouais. après sa première promotion dans les majeures. Oui, effectivement. Mais l'hypothèse qui se met beaucoup de pression, ça peut arriver aussi, hein? Ben oui, parce que, écoute, il y a tellement eu De bagages publicité, puis tu sais, c'était le sauveur qui arrivait à Toronto, blablabla. Puis comme le président des Jays l'a dit, il dit, c'est pas comme au basket, ça. Un joueur ne fait pas une équipe. Alors qu'au basket, tu sais, souvent, un joueur vedette va transformer une équipe du tout au tout. Mais au baseball, tu sais, c'est 9 hommes qui, pendant 9 manches, souvent, sont laissés à eux-mêmes parce que, tu sais, c'est redondant de le dire, mais le baseball, c'est un sport d'équipe individuelle. Oui, ben c'est pas pour rien qu'on dit souvent que le match des étoiles du baseball est probablement le meilleur match de tous les sports parce que c'est un sport individuel dans un sport d'équipe. Exactement. Donc, c'est pas pour rien, là. Mais moi, je suis convaincu que le gars, il se met probablement... Ah, ouais, moi, je peux... Ouais. Écoute, je suis prêt à lui donner une chance encore pour une couple de semaines. Oui, puis pas à peu près, ça, là. Effectivement. Albert Pujol, 2000 points produits. Avant de rentrer en onde, je te posais la question, c'est l'un des meilleurs frappeurs de l'histoire du baseball, puis t'avais l'air à dire à ta peu, là. Non, c'est pas pour ça que je te disais ça. OK. C'est parce que là, puis c'est un de mes amis qui m'a mis la puce à l'oreille, là. Partout, on dit c'est le troisième meilleur frappeur maintenant de points produits. Mais c'est parce que si tu fais le tour de Baseball Almanac, Baseball Reference et Elias Sports Bureau, qui sont les 3 comptables du baseball majeur. Je les appelle les comptables du baseball majeur, là. Ouais. Ben, Babe Ruth, là, celui-là, le baseball de Manac, il y a 2213 points produits. Lequel? Baseball Reference lui en donne 2214. Ouais. Et Elias lui en donne 1992. Mais... Alors, il y en a 200 de différence, là. Mais pourquoi? Parce que probablement que les statistiques étaient mal cumulées. C'est que, d'après Elias, les points produits n'étaient pas considérés comme une statistique valable avant 1920. OK. Alors, si tu fais le tour, il lui en manque 200 à Babe Ruth. Parce que on considère pas ce qu'il a fait avant 1920. Hey, c'est, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est... Alors, tu sais, puis moi, dans l'article que je suis en train d'écrire, là aussi, tu sais, ouais. Écoutez, là, loin de moi de dire que Pujols n'a pas sa place au temple de la renommée, là, il y a une niche, il l'attend, ça. Inquiétez-vous pas. Incroyable, hein? Ah, c'est, mais, c'est clair. Mais c'est le fait que, tu sais, le baseball est un sport qui est souvent basé sur la statistique. Et, malheureusement, il y a, à ce niveau-là, des points produits, une déficience. On ne s'accorde pas. Est-ce que c'est Almanach qui est correct? Est-ce que c'est Reference qui est correct? Ou bien c'est Elias qui est correct? Ben moi, je ne sais pas, mais Baseball Reference, je le consulte tous les jours parce que sur mon Facebook, je mets des matchs, des expos de box scores. J'aime ça, mais. Oui. Puis, je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que. Ouais. Tu sais, même entre Baseball Reference et Baseball Almanach, il y a un point produit de différence. Mm. Mais les deux sont à 2200 quelques. Ouais. Alors que Elias lui en donne 1992. Puis c'est parce que. Il a dépassé Babe Ruth là, avec son 1993, qu'il devenait, aux yeux de plusieurs statisticiens, le troisième meilleur producteur de points de l'histoire. Ouais. Mais dans l'histoire contemporaine, okay, dans l'histoire moderne du baseball, ça reste que c'est probablement l'un des cinq meilleurs joueurs de... Bon, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le gars joue à Saint-Louis une bonne partie de sa carrière. La balle ne voyage pas nécessairement super bien à Saint-Louis non plus. Ah non. Écoute, jamais de scandale. C'est un frappeur incroyable. Et puis, il mérite tous les honneurs qu'on va lui décerner. T'sais, jamais d'histoire autour de lui non plus. Jamais. Fait que, tu sais, non, c'est un gars qui a commencé au troisième but, au champ gauche, puis au premier but, puis finalement, il a trouvé une niche au premier but. Est-ce question, ce que je me pose, si on calcule, là, si on ne tient pas compte de ce que tu viens de me dire, là, est-ce qu'il va dépasser un Karen? Rodriguez, probablement, sûrement, parce que je pense qu'il Ça va dépendre de son état de santé, il faut dire qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est pas un jeune homme, lui-là. Non, il a quoi, 39 à Albert Pro? Oui, et puis il y a plusieurs blessures qui l'ont ralenti ces derniers temps. Ouais. Alors, tu sais pas lui, ce qu'il l'attend du jour au lendemain. Mm. Alors, il peut se lever un matin puis avoir un torticolis puis il sera pas capable de frapper. Ouais. Alors, faut attendre le déroulement, mais nul doute dans l'esprit de peu importe de qui tu parles, c'est un des meilleurs frappeurs de son temps. Ouais. Hey, je veux, puisque tu parles de Cooperstown, si Sabathia mérite-t-il de rentrer, parce que lui, il a eu 3000 retards sur des prises la semaine dernière, là. Est-ce qu'il mérite sa place à Cooperstown? Peut-être pas du premier, mais peut-être au deuxième ou troisième. Hein? Écoute, c'est un très grand lanceur. Ouais. Sabathia, écoute, c'est un bonhomme qui. Puis moi, ce qui m'a fasciné les dernières années, malgré qu'il y a eu quelques blessures, là, c'est qu'il a su s'adapter au fait qu'il ne pouvait plus lancer avec autant de puissance qu'il le faisait lorsqu'il était plus jeune. Et à ce moment-là, il a découvert comment lancer avec finesse et non pas avec avec simplement avec sa balle rapide à 100 000 à l'heure ou presque. Ouais. Donc, moi, je pense... C'est tout un lanceur. Mais tu es d'accord avec moi? Peut-être pas la première, mais deuxième ou troisième tentative. Pour? C'est le Cooperstown, si ça battait. Non. Tu penses qu'il ne sera pas élu au premier tour, peut-être au deuxième. Ah ben oui, ça va peut-être aller au troisième. Là. Ouais, ça va dépendre toujours qui va être sur les rangs en même temps que lui. Puis à un moment donné, les gens qui ont été accusés d'astéroïdes, probablement qu'à un moment donné, il y en a qui vont passer là-dedans. Là. Ben j'espère, parce que là, ça commence à se... Un petit peu, il y a des, il y a des plus jeunes qui remplacent des plus vieux qui étaient bornés à savoir... que on peut pas voter pour Clemens, on peut pas voter pour un tel, parce que écoute, il a été rendu coupable, on l'a reconnu coupable d'avoir utilisé des stéroïdes. Oui, puis ceux qui n'ont pas été pris la main dans le sac, eux autres, là. Oui, ouais, c'est sûr. Puis, à quelque part, ça faisait l'affaire du baseball. Faut pas tout. Après la grève et ainsi de suite, ça a fait. Maguire sauve ça, la guerre et ainsi de suite. Exactement. Terminant, ça risque d'être pas mal plus fun. Je regarde les classements dans toutes les divisions. Ça va être pas mal plus fun que l'année passée. Puisque l'année passée, au Magic World, il y avait plusieurs luttes de fini. Cette année, il y a une parité dans pas mal de divisions. Hein. C'est pas mal plus intéressant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et aussi, quand tu regardes la qualité des jeunes qui arrivent, je vais te dire une chose, la bataille autant dans l'Américaine que la Ligue nationale pour le titre de recrue de l'année cette année, là, ça sera pas facile à déterminer avant le mois de septembre, puis peut-être le dernier week-end de la saison. Ouais. Jacques, un gros merci. On se reparle un autre tantôt. Salut, Danny. Collaborateur Jacques Doucet.